Je m'ennuie déjà sans toi. Tout me semble si gris. Et pourtant, tu n'étais rien. Rien de plus dans ma vie qu'une petite fille. Une toute petite fille. Un ange blond aux yeux bleus. Sans un seul mot d'amour. Et j'ai même fait semblant d'ignorer qu'elle avait ma petite fille, ma toute petite fille. Les larmes bleues dansent.